Toi de Stinstru, du sang qui coule dans mes veines en BPM. À coup sûr, mon texte. C'est reparti, nouveau projet, nouvelle attaque avec des lyrics en pagaille et un flow qui déboîte. Faut faire preuve de force et de maîtrise. On évite de retourner nos blousons, okay. On va vers une direction, et c'est la bonne que nous épousons. C'est de la musique, ça veut dire que c'est la vie. Bah venez du cap que le hip-hop n'est pas encore mort. Ok. Salut à toutes et à toutes les auditeurs. Vous êtes branchés sur l'Alternative FM, l'émission 100% rap français qui défouraille de CFM sur 94.7. Comme tous les mercredis soirs. C'est parti, c'est chaud. C'est toujours Noël au micro. Et aujourd'hui avec nous, un invité spécial, un activiste dans le milieu hip-hop s'il vous plaît. Un passionné avant tout. Il est dans les studios ce soir avec nous, nous l'accueillons, Narcose. A chaque émission, je pars en mission, entre autres monde dans le studio. Donc tu dis au mec d'être au rendez-vous, un flow impec. Je dis au fou MC rendez-vous, ça freestyle sec quand mes boys sont à côté. Appuie sur rec, c'est pas le moment de nous boycotter. Dans la platine CD, l'instru tourne, tes oreilles sont excédées tellement je la retourne. DJ Aurel jette les dés pour savoir qui pose en premier. Puis nous lâche des bêtes de scratch digne de DJ premier. Puis quelques clashs pour les lâches qui nous l'ont fait à l'envers. Ces pauvres tâches n'ont pas compris à qui elles avaient affaire. Et toi tu t'affaires derrière les baffes des tentants génériques. Notre saute mène grosse baffe, c'est Narcose à la technique. Chaque semaine de nouveaux invités, pas de censure, y'a pas de thème à éviter. Juste le respect de l'auditeur qui kiffe derrière son transistor 94.7. T'es sur la bonne fréquence, toujours présent même pendant les vacances. Je kifferai toujours à fond ces ambiances radio. C'est ça qu'y a pas chez toi, mets ton autoradio. En mono ou en stéréo, en auto avec tes potos. C'est parti pour une heure de hip-hop comme tu l'aimes. Tu l'as compris, c'est l'Alternative FM. CFM, c'est la radio qui monte, l'Alternative FM, l'émission qui démonte. 94.7, c'est la bonne fréquence, 20h-21h, mets-toi dans l'ambiance. CFM, c'est la radio qui monte, l'Alternative FM, l'émission qui démonte. 94.7, c'est la bonne fréquence, 20h-21h, mets-toi dans l'ambiance.